Chapitre 6. Le droit de propriété. Voici une institution des anciens, dont il ne faut pas nous faire une idée d'après ce que nous voyons autour de nous. Les anciens ont fondé le droit de propriété sur des principes qui ne sont plus ceux des générations présentes. Il en est résulté que les lois, par lesquelles ils l'ont garanti, sont sensiblement différentes des nôtres. On sait qu'il y a des races qui ne sont jamais arrivées à établir chez elles la propriété privée. D'autres n'y sont parvenues qu'à la longue. Et péniblement. Ce n'est pas en effet un facile problème, à l'origine des sociétés, de savoir si l'individu peut s'approprier le sol et établir un tel lien entre son être et une part de terre qu'il puisse dire « Cette terre est mienne, cette terre est comme une partie de moi ». Les Tartares conçoivent le droit de propriété quand il s'agit des troupeaux et ne le comprennent plus quand il s'agit du sol. Chez les anciens Germains, la terre n'appartenait à personne. Chaque année, la tribu assignait à chacun de ses membres un lot à cultiver, et on changeait de lot l'année suivante. Le Germain était propriétaire de la moisson, il ne l'était pas de la terre. Il en est encore de même dans une partie de la race sémitique et chez quelques peuples slaves. Au contraire, les populations de la Grèce et de l'Italie, dès l'Antiquité la plus haute, ont toujours connu et pratiqué la propriété privée. On ne trouve pas une époque où la terre ait été commune. Quelques historiens ont émis l'opinion qu'à Rome, la propriété avait d'abord été publique et n'était devenue privée que sous Numa. Cette erreur vient d'une fausse interprétation de trois textes de Plutarque, de Cicéron. Ces trois auteurs disent en effet que Numa distribua des terres aux citoyens, mais ils indiquent très clairement qu'il n'eut à faire ce partage qu'à l'égard des terres conquises par son prédécesseur, Agricos Bello Romulus Séperat. Quant au seul romain lui-même, Ager Romanus, il était propriété privée depuis l'origine de la ville, et l'on ne voit non plus rien qui ressemble à ce partage annuel des champs qui était usité chez les Germains. Il y a même un fait bien remarquable. Tandis que les races qui n'accordent pas à l'individu la propriété du sol lui accordent au moins celle des fruits de son travail, c'est-à-dire de sa récolte, c'était le contraire chez les Grecs. Dans beaucoup de villes, les citoyens étaient astreints à mettre en commun leurs moissons, ou du moins la plus grande partie, et devait les consommer en commun. L'individu n'était donc pas maître du blé qu'il avait récolté, mais en même temps, par une contradiction bien singulière, il avait la propriété absolue du sol. La terre était à lui plus que la moisson. Il semble que chez les Grecs, la conception du droit de propriété ait suivi une marche tout à fait opposée à celle qui paraît naturelle. Elle ne s'est pas appliquée à la moisson d'abord et au sol ensuite. C'est l'ordre inverse qu'on a suivi. Il y a trois choses que, dès l'âge le plus ancien, on trouve fondées et solidement établies dans ces sociétés grecques et italiennes. La religion domestique, la famille, le droit de propriété. Trois choses qui ont eu entre elles, à l'origine, un rapport manifeste et qui paraissent avoir été inséparables. L'idée de propriété privée était dans la religion même. Chaque famille avait son foyer et ses ancêtres. Ces dieux ne pouvaient être adorés que par elle, ne protégeaient qu'elle. Ils étaient sa propriété. Or, entre ces dieux et le sol, les hommes des anciens âges voyaient un rapport mystérieux. Prenons d'abord le foyer. Cet autel est le symbole de la vie sédentaire. Son nom seul l'indique. Il doit être posé sur le sol. Une fois posé, on ne peut plus le changer de place. Le dieu de la famille veut avoir une demeure fixe. Matériellement, il est difficile de transporter la pierre sur laquelle il brille. Religieusement, cela est plus difficile encore, et n'est permis à l'homme que si la dure nécessité le presse, si un ennemi le chasse, ou si la terre ne peut pas le nourrir. Quand on pose le foyer, c'est avec la pensée et l'espérance qu'il restera toujours à cette même place. Le dieu s'installe là, non pas pour un jour, non pas même pour une vie d'homme, mais pour tout le temps que cette famille durera, et qu'il restera quelqu'un pour entretenir sa flamme par le sacrifice. Ainsi le foyer prend possession du sol. Cette part de terre, il la fait sienne, elle est sa propriété. Et la famille, qui par devoir et par religion reste toujours groupée autour de son autel, se fixe au sol comme l'autel lui-même. L'idée de domicile vient naturellement. La famille est attachée au foyer, le foyer l'est au sol. Une relation étroite s'établit donc entre le sol et la famille. Là doit être sa demeure permanente, qu'elle ne songera pas à quitter, à moins qu'une nécessité imprévue ne l'y contraigne. Comme le foyer, elle occupera toujours cette place. Cette place lui appartient. Elle est sa propriété, propriété non d'un homme seulement, mais d'une famille dont les différents membres doivent venir l'un après l'autre naître et mourir là. Suivons les idées des anciens. Deux foyers représentent des divinités distinctes, qui ne s'unissent et qui ne se confondent jamais. Cela est si vrai que le mariage même entre deux familles n'établit pas d'alliance entre leurs dieux. Le foyer doit être isolé, c'est-à-dire séparé nettement de tout ce qui n'est pas lui. Il ne faut pas que l'étranger en approche au moment où les cérémonies du culte s'accomplissent, ni même qu'ils aient vu sur lui. C'est pour cela qu'on appelle ces dieux les dieux cachés, ou les dieux intérieurs, pénates. Pour que cette règle religieuse soit bien remplie, il faut qu'autour du foyer, à une certaine distance, il y ait une enceinte. Peu importe qu'elle soit formée par une haie, par une cloison de bois, ou par un mur de pierre, quelle qu'elle soit, elle marque la limite qui sépare le domaine d'un foyer du domaine d'un autre foyer. Cette enceinte est réputée sacrée. Il y a un piété à la franchir. Le dieu veille sur elle et la tient sous sa garde. Aussi donne-t-on à ce dieu l'épithète de grec Hercheios, à l'époque où cet ancien culte fut presque effacé par la religion plus jeune de Zeus, et où l'on associa Zeus à la divinité du foyer, le dieu nouveau prit pour lui l'épithète de grec Hercheios. Il n'en est pas moins vrai qu'à l'origine, le vrai protecteur de l'enceinte était le dieu domestique. Denis d'Halicarnasse l'atteste quand il dit que les Grecs Theios et Hercheios sont les mêmes que les Pénates. Cela ressort d'ailleurs du rapprochement d'un passage de Pausanias avec un passage d'Euripide et un de Virgile. Ces trois passages se rapportent au même fait et montrent que le grec Zeus Hercheios n'est autre que le foyer domestique. Cette enceinte tracée par la religion et protégée par elle est l'emblème le plus certain, la marque la plus irrécusable du droit de propriété. Reportons-nous aux âges primitifs de la race aryenne. L'enceinte sacrée que les Grecs appellent Herchos et les Latins Herctium, c'est l'enclos assez étendu dans lequel la famille a sa maison, ses troupeaux, le petit champ qu'elle cultive. Au milieu s'élève le foyer protecteur. Descendons aux âges suivants. La population est arrivée jusqu'en Grèce et en Italie, et elle a bâti des villes. Les demeures se sont rapprochées. Elles ne sont pourtant pas contiguës. L'enceinte sacrée existe encore, mais dans de moindres proportions. Elle est le plus souvent réduite à un petit mur, à un fossé, à un sillon ou un simple espace libre de quelques pieds de largeur. Dans tous les cas, deux maisons ne doivent pas se toucher. La mitoyenneté est une chose réputée impossible. Le même mur ne peut pas être commun à deux maisons, car alors l'enceinte sacrée des dieux domestiques aurait disparu. À Rome, la loi fixe à 2,5 pieds la largeur de l'espace libre qui doit toujours séparer deux maisons, et cet espace est consacré aux dieux de l'enceinte. Il est résulté de ces vieilles règles religieuses que la vie en communauté n'a jamais pu s'établir chez les anciens. Le phalanstère n'y a jamais été connu. Pythagore même n'a pas réussi à établir des institutions auxquelles la religion intime des hommes résistait. On ne trouve non plus à aucune époque de la vie des anciens rien qui ressemble à cette promiscuité du village, qui était générale en France au XIIe siècle. Chaque famille, ayant ses dieux et son culte, a dû avoir sa place particulière sur le sol, son domicile isolé, sa propriété. Les Grecs disaient que le foyer était enseigné à l'homme à bâtir des maisons. En effet, l'homme qui était fixé par sa religion à une place qu'il ne croyait pas devoir jamais quitter, a dû songer bien vite à élever en cet endroit une construction solide. La tente convient à l'arabe, le chariot au tartare. Mais à une famille qui a un foyer domestique, il faut une demeure qui dure. À la cabane de terre ou de bois a bientôt succédé la maison de pierre. On n'a pas bâti seulement pour une vie d'homme, mais pour la famille dont les générations devaient se succéder dans la même demeure. La maison était toujours placée dans l'enceinte sacrée. Chez les Grecs, on partageait en deux le carré que formait cette enceinte. La première partie était la cour. La maison occupait la seconde partie. Le foyer, placé vers le milieu de l'enceinte totale, se trouvait ainsi au fond de la cour et près de l'entrée de la maison. À Rome, la disposition était différente, mais le principe était le même. Le foyer restait placé au milieu de l'enceinte, mais les bâtiments s'élevaient autour de lui des quatre côtés, de manière à l'enfermer au milieu d'une petite cour. On voit bien la pensée qui a inspiré ce système de construction. Les murs se sont élevés autour du foyer pour l'isoler et le défendre. Et l'on peut dire, comme disaient les Grecs, que la religion a enseigné à bâtir une maison. Dans cette maison, la famille est maîtresse et propriétaire. C'est sa divinité domestique qui lui assure son droit. La maison est consacrée par la présence perpétuelle des dieux. Elle est le temple qui les garde. Qu'y a-t-il de plus sacré, dit Cicéron, que la demeure de chaque homme? Là est l'autel, là brille le feu sacré, là sont les choses saintes et la religion. À pénétrer dans cette maison avec des intentions malveillantes, il y avait sacrilège. Le domicile était inviolable. Suivant une tradition romaine, le dieu domestique repoussait le voleur et écartait l'ennemi. Passons à un autre objet du culte. Le tombeau, et nous verrons que les mêmes idées s'y attachaient, le tombeau avait une grande importance dans la religion des anciens, car d'une part on devait un culte aux ancêtres, et d'autre part la principale cérémonie de ce culte, c'est-à-dire le repas funèbre, devait être accompli sur le lieu même où les ancêtres reposaient. Telle était du moins la règle antique, puisque l'on croyait que le repas funèbre servait d'aliment aux morts. La famille avait donc un tombeau commun, où ses membres devaient venir s'endormir l'un après l'autre. Pour ce tombeau, la règle était la même que pour le foyer. Il n'était pas plus permis d'unir deux familles dans une même sépulture qu'il ne l'était d'unir deux foyers domestiques en une seule maison. C'était une égale impiété d'enterrer un mort hors du tombeau de sa famille ou de placer dans ce tombeau le corps d'un étranger. Il faut noter que l'esclave et le client, comme nous le verrons plus loin, faisaient partie de la famille et étaient enterrés dans le tombeau commun. La règle qui prescrivait que chaque homme fût enterré dans le tombeau de la famille souffrait une exception dans le cas où la cité elle-même accordait les funérailles publiques. La religion domestique, soit dans la vie, soit dans la mort, séparait chaque famille de toutes les autres et écartait sévèrement toute apparence de communauté. De même que les maisons ne devaient pas être contiguës, les tombeaux ne devaient pas se toucher. Chacun d'eux avait, comme la maison, une sorte d'enceinte isolante. Combien le caractère de propriété privée est manifeste en tout cela ? Les morts sont des dieux qui appartiennent en propre à une famille, et qu'elle a seule le droit d'invoquer. Ces morts ont pris possession du sol. Ils vivent sous ce petit tertre, et nul, s'il n'est de la famille, ne peut penser à se mêler à eux. Personne d'ailleurs n'a le droit de les déposséder du sol qu'ils occupent. Un tombeau, chez les anciens, ne peut jamais être détruit ni déplacé. À Rome, pour qu'une sépulture fût déplacée, il fallait l'autorisation des pontifes. Les lois les plus sévères le défendent. Voilà donc une part de sol qui, au nom de la religion, devient un objet de propriété perpétuelle pour chaque famille. La famille s'est appropriée cette terre en y plaçant ses morts. Elle s'est implantée là pour toujours. Le rejeton vivant de cette famille peut dire légitimement « Cette terre est à moi ». Elle est tellement à lui qu'elle est inséparable de lui et qu'il n'a pas le droit de s'en dessaisir. Le sol où reposent les morts est inaliénable et imprescriptible. La loi romaine exige que si une famille vend le champ où est son tombeau, elle reste au moins propriétaire de ce tombeau, et conserve éternellement le droit de traverser le champ pour aller accomplir les cérémonies de son culte. L'ancien usage était d'enterrer les morts, non pas dans des cimetières ou sur les bords d'une route, mais dans le champ de chaque famille. Cette habitude des temps antiques est attestée par une loi de Solon et par plusieurs passages de Plutarque. On voit dans un plaidoyer de Démosthène que de son temps encore, chaque famille enterrait ses morts dans son champ, et que lorsqu'on achetait un domaine dans l'Attique, on y trouvait la sépulture de ses anciens propriétaires, loi de Solon citée par Gaius ou Digeste. Démosthène contre Caliclès, Plutarque, Aristide. Pour l'Italie, cette même coutume nous est attestée par une loi de 12 tables, par les textes de 2 jurisconsultes et par cette phrase de Siculus Flaccus, il y avait anciennement 2 manières de placer le tombeau, les uns le mettant à la limite du champ, les autres vers le milieu. D'après cet usage, on conçoit que l'idée de propriété se soit facilement étendue du petit tertre où reposaient les morts au champ qui entourait ce tertre. On peut lire dans le livre du vieux Caton une formule par laquelle le laboureur italien priait les mânes de veiller sur son champ, de faire bonne garde contre le voleur, et de faire produire bonne récolte. Ainsi, ces âmes des morts étendaient leur action tutélaire et avec elles leur droit de propriété jusqu'aux limites du domaine. Par elles, la famille était maîtresse unique dans ce champ. La sépulture avait établi l'union indissoluble de la famille avec la terre, c'est-à-dire la propriété. Dans la plupart des sociétés primitives, c'est par la religion que le droit de propriété a été établi. Dans la Bible, le Seigneur dit à Abraham « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir de Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays. » Et à Moïse « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, et je vous le donnerai en héritage. Ainsi Dieu, propriétaire primitif par le droit de création, délègue à l'homme sa propriété sur une partie du sol. Même tradition chez les Étrusques. Il y eut quelque chose d'analogue chez les anciennes populations gréco-italiennes. Il est vrai que ce n'est pas la religion de Jupiter qui a fondé ce droit, peut-être parce qu'elle n'existait pas encore. Les dieux qui conférèrent à chaque famille son droit sur la terre, ce furent les dieux domestiques, le foyer et les mânes. La première religion qui eut l'empire sur leurs âmes fut aussi celle qui constitua chez eux la propriété. Il est assez évident que la propriété privée était une institution dont la religion domestique ne pouvait pas se passer. Cette religion prescrivait d'isoler le domicile et d'isoler aussi la sépulture. La vie en commun a donc été impossible. La même religion commandait que le foyer fût fixé au sol, que le tombeau ne fût ni détruit ni déplacé. Supprimer la propriété, le foyer sera errant, les familles se mêleront, les morts seront abandonnés et sans culte. Par le foyer inébranlable et la sépulture permanente, la famille a pris possession du sol. La terre a été en quelque sorte imbue et pénétrée par la religion du foyer et des ancêtres. Ainsi l'homme des anciens âges fut dispensé de résoudre de trop difficiles problèmes. Sans discussion, sans travail, sans l'ombre d'une hésitation, il arriva d'un seul coup et par la vertu de ses seules croyances à la conception du droit de propriété, de ce droit d'où sort toute civilisation, puisque par lui l'homme améliore la terre et devient lui-même meilleur. Ce ne furent pas les lois qui garantirent d'abord le droit de propriété, ce fut la religion. Chaque domaine était sous les yeux des divinités domestiques qui veillaient sur lui. Chaque champ devait être entouré, comme nous l'avons vu pour la maison, d'une enceinte qui le sépara nettement des domaines des autres familles. Cette enceinte n'était pas un mur de pierre, c'était une bande de terre de quelques pieds de large, qui devait rester inculte et que la charrue ne devait jamais toucher. Cet espace était sacré, la loi romaine le déclarait imprescriptible. Il appartient à la religion. À certains jours marqués du mois et de l'année, le père de famille faisait le tour de son champ, en suivant cette ligne. Il poussait devant lui des victimes, chantait des hymnes et offrait des sacrifices. Par cette cérémonie, il croyait avoir réveillé la bienveillance de ses dieux à l'égard de son champ et de sa maison. Il avait surtout marqué son droit de propriété, en promenant autour de son champ son culte domestique. Le chemin qu'avaient suivi les victimes et les prières était la limite inviolable du domaine. Sur cette ligne, de distance en distance, l'homme plaçait quelques grosses pierres ou quelques troncs d'arbres, que l'on appelait des termes. On peut juger ce que c'était que ces bornes et quelles idées s'y attachaient par la manière dont la piété des hommes les posait en terre. Voici, dit Siculus Flaccus, que nos ancêtres pratiquaient. Ils commençaient par creuser une petite fosse, et dressant le terme sur le bord, ils le couronnaient de guirlandes d'herbes et de fleurs. Puis, ils offraient un sacrifice. La victime immolée, ils en faisaient couler le sang dans la fosse. Ils y jetaient des charbons allumés, allumés probablement au feu sacré du foyer, des grains, des gâteaux, des fruits, un peu de vin et de miel. Quand tout cela s'était consumé dans la fosse, sur les cendres encore chaudes, on enfonçait la pierre ou le morceau de bois. On voit clairement que cette cérémonie avait pour objet de faire du terme une sorte de représentant sacré du culte domestique. Pour lui continuer ce caractère, chaque année on renouvelait sur lui l'acte sacré, en versant des libations et en récitant des prières. Le terme posé en terre, c'était donc en quelque sorte la religion domestique implantée dans le sol, pour marquer que ce sol était à jamais la propriété de la famille. Plus tard, la poésie aidant, le terme fut considéré comme un dieu distinct. L'usage des termes ou bornes sacrées des champs paraît avoir été universel dans la race indo-européenne. Il existait chez les hindous, dans une haute antiquité, et les cérémonies sacrées du bornage avaient chez eux une grande analogie avec celle que Siculus Flaccus a décrite pour l'Italie. Avant Rome, nous trouvons le terme chez les Sabins. Nous le trouvons encore chez les Étrusques. Les Hellènes avaient aussi des bornes sacrées qu'ils appelaient grec oroi, théé orio. Le terme une fois posé, suivant les rites, il n'était aucune puissance au monde qui pût le déplacer. Il devait rester au même endroit de toute éternité. Ce principe religieux était exprimé à Rome par une légende. Jupiter, ayant voulu se faire une place sur le mont Capitolin pour y avoir un temple, n'avait pas pu déposséder le dieu terme. Cette vieille tradition montre combien la propriété était sacrée, car le terme immobile ne signifie pas autre chose que la propriété inviolable. Le terme gardait en effet la limite du champ et veillait sur elle. Le voisin n'osait pas en approcher de trop près, car alors, comme dit Ovide, le dieu qui se sentait heurté par le soc ou le ouaillot criait « Arrête, ceci est mon champ, voici le tien !» Pour empiéter sur le champ d'une famille, il fallait renverser ou déplacer une borne. Or cette borne était un dieu. Le sacrilège était horrible et le châtiment sévère. La vieille loi romaine disait que l'homme et les bœufs qui auront touché le terme soient dévoués. Cela signifiait que l'homme et les bœufs seraient immolés en expiation. La loi étrusque, parlant au nom de la religion, s'exprimait ainsi. Celui qui aura touché ou déplacé la borne sera condamné par les dieux. Sa maison disparaîtra, sa race s'éteindra. Sa terre ne produira plus de fruits. La grêle, la rouille, les feux de la canicule détruiront ses moissons. Les membres du coupable se couvriront d'ulcères et tomberont de consomption. Nous ne possédons pas le texte de la loi athénienne sur le même sujet. Il ne nous en est resté que trois mots qui signifient « ne dépasse pas la borne ». Mais Platon paraît compléter la pensée du législateur quand il dit « notre première loi doit être celle-ci, que personne ne touche à la borne qui sépare son champ de celui du voisin, car elle doit rester immobile. Que nul ne s'avise d'ébranler la petite pierre qui sépare l'amitié de l'inimitié et qu'on s'est engagé par serment à laisser à sa place. De toutes ces croyances, de tous ces usages, de toutes ces lois, il résulte clairement que c'est la religion domestique qui a appris à l'homme à s'approprier la terre et qui lui a assuré son droit sur elle. On comprend sans peine que le droit de propriété, ayant été ainsi conçu et établi, ait été beaucoup plus complet et plus absolu dans ses effets qu'il ne peut l'être dans nos sociétés modernes, où il est fondé sur d'autres principes. La propriété était tellement inhérente à la religion domestique qu'une famille ne pouvait pas plus renoncer à l'une qu'à l'autre. La maison et le champ étaient comme incorporés à elle, et elle ne pouvait ni les perdre ni s'en dessaisir. Platon, dans son traité des lois, ne prétendait pas avancer une nouveauté quand il défendait au propriétaire de vendre son champ. Il ne faisait que rappeler une vieille loi. Tout porte à croire que dans les anciens temps, la propriété était inaliénable. Il est assez connu qu'à Sparte, il était formellement défendu de vendre son lot de terre. La même interdiction était écrite dans les lois de Locrèce et de Leucade. Phidon de Corinthe, législateur du IXe siècle, prescrivait que le nombre des familles et des propriétés restât immuable. Or, cette prescription ne pouvait être observée que s'il était interdit de vendre les terres, et même de les partager. La loi de Solon, postérieure de 7 ou 8 générations à celle de Phidon de Corinthe, ne défendait plus à l'homme de vendre sa propriété, mais elle frappait le vendeur d'une peine sévère, la perte de tous les droits de citoyen. Enfin, Aristote nous apprend d'une manière générale que dans beaucoup de villes, les anciennes législations interdisaient la vente des terres. De telles lois ne doivent pas nous surprendre. Fonder la propriété sur le droit du travail, l'homme pourra s'en dessaisir. Fondez-la sur la religion, il ne le pourra plus. Un lien plus fort que la volonté de l'homme unit la terre à lui. D'ailleurs, ce champ où est le tombeau, où vivent les ancêtres divins, où la famille doit à jamais accomplir un culte, n'est pas la propriété d'un homme seulement, mais d'une famille. Ce n'est pas l'individu actuellement vivant qui a établi son droit sur cette terre, c'est le dieu domestique. L'individu ne l'a qu'en dépôt. Elle appartient à ceux qui sont morts et à ceux qui sont à naître. Elle fait corps avec cette famille et ne peut plus s'en séparer. Détacher l'une de l'autre, c'est altérer un culte et offenser une religion. Chez les hindous, la propriété fondée aussi sur le culte était aussi inaliénable. Cette règle disparut peu à peu quand le brahmanisme devint dominant. Nous ne connaissons le droit romain qu'à partir de la loi des 12 tables. Il est clair qu'à cette époque, la vente de la propriété était permise. Mais il y a des raisons de penser que dans les premiers temps de Rome et dans l'Italie, avant l'existence de Rome, la terre était inaliénable, comme en Grèce. S'il ne reste aucun témoignage de cette vieille loi, on distingue du moins les adoucissements qui y ont été apportés peu à peu. La loi des 12 tables, en laissant au tombeau le caractère d'inaliénabilité, en a affranchi le champ. On a permis ensuite de diviser la propriété, s'il y avait plusieurs frères, mais à la condition qu'une nouvelle cérémonie religieuse serait accomplie, et que le nouveau partage serait fait par un prêtre. Ce prêtre était appelé agrimensor. La religion seule pouvait partager ce que la religion avait autrefois proclamé indivisible. On a permis enfin de vendre le domaine, mais il a fallu encore pour cela des formalités d'un caractère religieux. cette vente ne pouvait avoir lieu qu'en présence d'un prêtre, qu'on appelait libripens, et avec la formalité sainte qu'on appelait mancipation. Quelque chose d'analogue se voit en Grèce. La vente d'une maison ou d'un fonds de terre était toujours accompagnée d'un sacrifice aux dieux. Toute mutation de propriété avait besoin d'être autorisée par la religion. Si l'homme ne pouvait pas ou ne pouvait que difficilement se dessaisir de sa terre, à plus forte raison, ne devait-on pas l'en dépouiller malgré lui. L'expropriation pour cause d'utilité publique était inconnue chez les anciens. La confiscation n'était pratiquée que comme conséquence de l'arrêt d'exil. Cette règle disparut dans l'âge démocratique des cités, c'est-à-dire lorsque l'homme, dépouillé de son titre de citoyen, ne pouvait plus exercer aucun droit sur le sol de la cité. L'expropriation pour dette ne se rencontre jamais non plus dans le droit ancien des cités. Une loi des Éléens défendait de mettre hypothèque sur la terre. L'hypothèque était inconnue dans l'ancien droit de Rome. Ce qu'on dit de l'hypothèque dans le droit athénien, avant Solon, s'appuie sur un mot mal compris de Plutarque. La loi des 12 tables ne ménage assurément pas le débiteur. Elle ne permet pourtant pas que sa propriété soit confisquée au profit du créancier. Le corps de l'homme répond de la dette, non sa terre, car la terre est inséparable de la famille. Il est plus facile de mettre l'homme en servitude que de lui enlever son droit de propriété. Le débiteur est mis dans les mains de son créancier. Sa terre le suit en quelque sorte dans son esclavage. Le maître qui use à son profit des forces physiques de l'homme jouit de même des fruits de la terre. Mais il ne devient pas propriétaire de celle-ci, tant le droit de propriété est au-dessus de tout et inviolable. Dans l'article de la loi des 12 tables, qui concerne le débiteur insolvable, nous lisons « Si volet, si o vivito », donc le débiteur, devenu presque esclave, conserve encore quelque chose à lui. Sa propriété, s'il en a, ne lui est pas enlevée. Les arrangements connus en droit romain, sous les noms de mancipation avec fiducie et de pignus, étaient avant l'action servienne des moyens détournés pour assurer aux créanciers le paiement de la dette. Il prouve indirectement que l'expropriation pour dette n'existait pas. Plus tard, quand on supprima la servitude corporelle, il fallut trouver moyen d'avoir prise sur les biens du débiteur. Cela n'était pas facile, mais la distinction que l'on faisait entre la propriété et la possession offrit une ressource. Le créancier obtint du prêteur le droit de faire vendre, non pas la propriété, dominium, mais les biens du débiteur, bona. Alors seulement, par une expropriation déguisée, le débiteur permit la jouissance de sa propriété.